Félicitations, autant d'occasions de retrouver son cœur d'enfant. Et tout au long du chemin, la belle question, quand deviendrons-nous qui nous sommes vraiment? Le Festival Québec en toutes lettres, 10 ans déjà. Le 31 octobre prochain, à compter de 20h, viens festoyer à la Korrigane à l'occasion de notre traditionnel party d'Halloween. Au programme, découpe de citrouilles et concours de costumes, plusieurs spéciaux et prix à gagner, le tout dans un décor renversant. À compter de 22h, le groupe The Black Coffees enflammera notre piste de danse. L'Halloween, c'est à la Korrigane que ça se passe. 380 rue Dorchester, quartier Saint-Roch. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL. Ici Gentiane La France avec vous pour la prochaine heure pour parler de l'univers des arts visuels à Québec. Parce que c'est le magazine radio L'Aérospatial qui débute à l'instant. Notre premier invité aujourd'hui sera Vincent Galarneau, un artiste photographe autodidacte qui s'intéresse aux textures des fluides qui se forment dans des mondes presque microscopiques, à la limite du visible. Son exposition fluide est présentée à la souche de Stoneham actuellement et ça se poursuit jusqu'au début du mois de décembre. Puis, notre chroniqueur Jean-Michel René va venir nous parler de l'exposition du 3e prix en art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec. Il s'agit de l'exposition « Raccord » de Nouma Amoun. C'est une peinture extrêmement soignée qui nous plonge au cœur de réflexions profondes et complexes sur l'humanité, sur la mort, sur la vie. C'est vraiment une expérience esthétique et quasi spirituelle à aller vivre au Musée national des beaux-arts actuellement. Et en deuxième partie de l'émission, je vais recevoir Geneviève Roy. Geneviève Roy, elle est directrice administrative au Centre Le Lieu et on va avoir l'occasion de parler de qu'est-ce que ça implique de faire venir une vedette de l'art contemporain. Et cette vedette, c'est Orlan. On peut voir une exposition de l'artiste au lieu actuellement, mais elle a aussi mené une classe de maître et elle a réalisé une performance le soir du vernissage. Donc, on va en parler un peu plus avec Geneviève Roy pour savoir un peu plus les dessous de comment on fait venir Orlan à Québec. Mais pour l'instant, je vous présente la sélection musicale de la semaine. C'est un groupe britannique qui s'appelle Sun Waves, qui fait dans la musique électronique, mais également analogique. Il y a du saxophone, des percussions et un producteur de musique électronique. Les extraits proviennent de leur album New Hymn to Freedom et on débute avec un extrait de la pièce titre et au retour, je m'entretiens avec Vincent Galarneau. Thank you. Vincent Galarneau, bonsoir. Bonsoir. Vincent Galarneau, tu es photographe, artiste photographe autodidacte et tu présentes actuellement l'exposition Fluide à La Souche de Stoneham. C'est une exposition où tu explores les fluides en photographie, évidemment, le titre le dit, mais tu y vas vraiment avec la photographie microscopique. Oui, effectivement, les fluides sont mon matériel de prédilection. Alors, pour une première expo solo, j'ai trouvé ça, très logique de l'intituler carrément fluide. J'ai pas été dans la subtilité. D'ailleurs, les œuvres présentées sont assez aussi, assez évidente, assez flagrante, assez colorée. Mais donc, oui, la photographie, je travaille aux frontières du visible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la microscopie. Là, de... Oui, c'est pas un microscope. Là. Non, c'est de la super macro, si on veut. Donc, je sais, entre la macro puis la super macro. Donc, c'est encore visible à l'œil, mais on ne verrait jamais tous les détails que ça nous permet avec des agrandissements, là, des grands formats. Là. Parce que parce que ta recherche se concentre beaucoup sur toutes les textures qui peuvent se créer dans la rencontre des fluides. Oui, exactement. En fait, les fluides ont vraiment une capacité inouïe de forme. C'est ce que je trouve fascinant. Dans le cadre de cette exposition-là, j'ai plus essayé de mettre en évidence des espèces d'objets fluides, si on veut, vraiment, mm-hmm. où il y a un concentré, une accumulation, une rencontre qui permet vraiment l'émergence de formes très, très distinctes. Mais dans d'autres séries, je suis davantage à explorer des aspects beaucoup plus texturaux, beaucoup plus diffus. Mais vraiment, on a toute une gamme de formes qui peuvent apparaître lorsque des fluides avec des densités différentes, avec des propriétés différentes se rencontrent. Et c'est vraiment mon objet. Donc, Vincent Galarneau, tu parles d'autres corpus, d'autres projets antérieurs. Donc, cette fois-ci, l'exposition s'appelle Fluide, mais tu as également des corpus qui s'intitulent Cosmographie, Hydrologie, Géographie, Biologie, Créature. En quoi Fluide vient se distinguer, si on veut, de ces différentes explorations antérieures? Bien, je la voulais un petit peu, je ne dirais pas inaugurale, parce que j'avais déjà eu la chance de faire une exposition collective ici à Limoilou, d'ailleurs, à la galerie Alfred Bellan. Oui, juste à côté. Mais sans nécessairement que je lui ai donné un titre. Cette fois-ci, c'est un peu comme une volonté de mettre de l'avant vraiment le sujet de manière assez flagrante, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, parce que je trouve que on sous-estime justement toutes les merveilles qui peuvent apparaître au regard des fluides. C'est certain que beaucoup de formes d'art qui l'ont exploré d'une manière ou d'une autre, la peinture, la teinture, mm-hmm. l'estampe, etc. Mais à travers la photographie, quand on y accorde vraiment du temps, qu'on laisse agir aussi, c'est cette idée-là d'être l'observateur, pas uniquement le créateur qui tente de représenter quelque chose, mais vraiment d'observer, d'influencer, d'être un peu le médiateur entre finalement un matériel qui nous compose, hein, qui est à l'origine aussi du vivant, mais qui en soi est aussi un matériel visuel extraordinaire. Là. Donc, Fluide, c'est un peu pour marquer le pas, puis s'il y a des suites à ça, ben, ça pourrait être un peu plus spécifique sur certaines particularités. Certaines pistes d'exploration visuelle, esthétique que tu explores. Et puis, Vincent, ça doit être une méthodologie assez particulière que tu mets en place pour réussir à capter cette rencontre-là entre différents fluides de différentes mm-hmm. natures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'installation assez complexe là, lors de la prise de vue? Oui, c'est certain que vu de l'extérieur, on peut parfois avoir l'impression qu'on entre dans un laboratoire. T'sais. Mais en même temps... Ben oui, il y a quelque chose de très scientifique. Oui, c'est ça. Puis on est dans l'obscurité déjà, donc ça peut aussi rappeler un peu la chambre noire, mais assez rapidement, on se rend compte que, bon, il y a toutes sortes de produits, toutes sortes de... Et puis, on est aussi beaucoup de... J'ai évidemment un dispositif lumineux avec plusieurs sources de lumière qui donne un aspect un peu... Il y a un petit côté obscur à tout ça, mais en même temps, c'est justement les lumières qui permettent de mettre en relief toutes les particularités des fluides. Donc, la démarche je dirais, outre l'apparence de scientificité, parce qu'en réalité, c'est quand même pas une démarche expérimentale, systématique, bien sûr, je note mes recettes, hein, pour être capable de reproduire jusqu'à un certain point certains motifs. Mais cela dit, à la base, disons que ça ressemble un peu au travail du peintre, hein, je mélange les pigments, les solvants, je prépare toutes mes couleurs. Et suite à ça, j'ai finalement un grand récipient qui est un peu ma toile, finalement, parce que je travaille sur différents types de supports, mais souvent, c'est juste un contenant, un vase de pétri ou autre forme de récipient qui me permet ensuite de créer une toile à l'état fluide. Et elle verra jamais, c'est-à-dire le jour sous une forme de toile... la peinture ne séchera jamais, là, finalement, puisqu'on reste à l'état liquide. Et à partir de ce moment-là, je change de chapeau, si on veut. Là, je deviens vraiment le photographe qui... comme tout travail photographique, va explorer son sujet, va se promener dans le paysage liquide ainsi formé pour essayer d'identifier, de retracer les particularités, les contrastes intéressants, les zones où il semble se produire quelque chose, comme une migration, il y a une toile qui s'appelle comme ça d'ailleurs, ou l'émergence d'un... quelque chose qui s'apparente à un fœtus ou à un proto, quelque chose d'une prémisse du vivant. Donc, je parle vraiment comme un... Il y a quelque chose entre l'art et la science, mais aussi entre la peinture et la photographie, là. Et tu parlais de l'éclairage, évidemment, on parle de photographie, l'éclairage est important. Tu travailles avec des fluides aux couleurs différentes qui viennent à la rencontre les uns des autres. Tu mets en valeur les textiles. Comment tu travailles ton éclairage, Vincent Galarneau, dans ta prise de vue? Est-ce que c'est beaucoup plus à contre-jour ou c'est différent chaque fois? Est-ce qu'il y a des éléments très particuliers? Ben, c'est sûr que je joue continuellement avec l'éclairage. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pas juste une boîte lumineuse, par exemple. C'est sûr que j'ai du rétroéclairage, j'ai de l'éclairage directionnel également. J'en ai 3 ou 4 sources qui sont continuellement en mouvement et qui permettent justement de... Il y a tout un enjeu de gestion des reflets, je vous dirais aussi, par rapport au fluide. Certains vont vraiment... Donc, c'est comment gérer... puis la macro nous aide dans ce sens-là, parce qu'en allant focusser l'attention sur des zones très, très précises, souvent, on va évacuer un certain nombre de reflets qu'on aurait si on travaillait à une autre échelle. Mm-hmm. Donc, la lumière est vraiment centrale dans ça. Puis, c'est encore à explorer, je dirais. Là, il y a toutes sortes d'autres interventions possibles à imaginer. Mais oui, il y a l'air d'avoir un monde infini d'exploration. Puis, il y a quelque chose aussi d'une rencontre avec le hasard. De laisser la matière vivre et de la suivre telle qu'elle deviendra. Absolument, absolument. Puis c'est aussi l'aboutissement d'une longue réflexion, parce que quand j'étais jeune, j'ai énormément dessiné, j'ai pris des cours de peinture, j'ai fait aussi 2 ans au métier d'art en sculpture. Mm-hmm. Bref, j'ai exploré beaucoup de formes d'art, mais toujours, je me butais un peu à l'incapacité à représenter la réelle complexité du monde, de la nature, du monde vivant. Puis je trouve que en laissant justement le hasard agir, évidemment, ce n'est pas 100% un hasard, puisqu'on choisit les composantes, oui, les matériaux, on les influence. Hein. Parfois, je vais utiliser le vent, je vais faire des interventions physiques aussi, avec des pipettes, avec différents instruments, les vibrations, etc., pour générer du mouvement, la gravité également. Mais ultimement, c'est sûr que c'est la matière elle-même qui parle, mais c'est de voir cette capacité d'auto-organisation. On parle de hasard, mais on voit des motifs qui reviennent. Ouais. Et c'est de voir, c'est juste de les voir revenir, puis de voir leur caractère assez universel, indépendamment des échelles d'observation. Mais oui, il y a quelque chose de très fort entre le macro et le micro dans ton travail, Vincent Galarneau. Puis moi, je me demande, là, tu parles de presque invisible, de voir des éléments qui reviennent dans les motifs de la matière. Est-ce qu'il y a une espèce de quête, je dirais, presque métaphysique ou irrationnelle derrière cette technique qui est, somme toute, très, très scientifique au final? Ben, écoute, c'est sûr que la science est jamais très loin, mais la science nous... Puis j'ai étudié en sciences de l'environnement, en sciences de la nature, au cégep aussi. Mais la science nous explique beaucoup le comment, elle nous explique pas beaucoup le pourquoi. Puis dès qu'on entre dans des zones de chaos, dans des zones d'incertitude, tous les modèles scientifiques peinent à donner une explication qui vaille. Donc oui, il y a une quête de comprendre au fondement qu'est-ce que le vivant, pourquoi pourquoi la vie, pourquoi la matière s'organise ainsi. On est donc quelque part entre la science et la spiritualité, oui, j'imagine. Bien, sur ces beaux mots, ben merci beaucoup Vincent Galarneau d'être venu à l'aérospatial pour nous parler de l'exposition Fluide. C'est une exposition qui est présentée jusqu'au 1er décembre et c'est à la Souche de Stoneham. Donc, une belle occasion déjà dans les prochains jours d'aller profiter des couleurs. Des couleurs et sous toutes les formes. Des couleurs dans les arbres et des couleurs dans cette très, très belle exposition. Et nous, on va prendre une petite pause musicale. Bonsoir Jean-Michel René. Bonsoir. Alors Jean-Michel, tu nous proposes de nous faire une chronique sur l'exposition de Nouma Amoun, qui est le troisième prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec. Une exposition très contemplative. Oui, quand même. Mais c'est ça, c'est en fait, c'est la troisième édition du prix MNBAQ qui récompense en fait un artiste en art contemporain pour la richesse en fait de. En fait, c'est vraiment un prix qui est là pour soutenir en fait les artistes actuels. Puis alors cette année, c'est Nouma Amoun qui était sélectionné comme artiste, puis il nous présente l'exposition Raccord. Nouma, c'est un artiste peintre qui travaille du moins très en respect avec la peinture. C'est comme on pourrait dire un travail à... C'est un travail de moine. Oui, qui est très traditionnel dans son approche. Ouais. Il y a vraiment un respect du... de la discipline de la peinture. Oui, puis il y a aussi une facture très hyper réaliste qui peut se rapprocher de la peinture académique, par exemple. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est une exposition qui est très épurée. Les gens vont peut-être être surpris. Il y a très peu d'œuvres. Parce qu'il faut comprendre que c'est un artiste qui travaille... le processus est très lent. Vu que tout est fait à la main, il n'y a pas de... C'est ça, on a dit que c'était une esthétique qui était de l'ordre hyper réaliste. Mais c'est intéressant parce qu'il y a comme une espèce de superposition puis une intrication d'une facture hyper réaliste et d'art optique. Oui, c'est ça. Il mélange beaucoup... il mélange les deux, en fait. Il y a comme une recherche... Je dirais qu'il il a fait beaucoup de sérigraphie auparavant, au début de sa carrière. Puis l'idée de la trame est restée aussi, de cette trame d'impression. Puis il y a une formation en graphisme aussi. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, cette idée d'avoir une espèce de trame, parce que pour l'expliquer, c'est des représentations. Bon, on parle d'hyperréalisme, donc on a quelques personnages, on a aussi d'autres éléments. Et au travers, il y a cette grille, mais pas vraiment une grille, mais un motif. Une trame. Un motif. Il y a deux images en une. Oui, c'est ça, exactement. Je ne sais pas si c'est peut-être du fait qu'il y ait une formation en graphisme, c'est très iconographique dans son travail. Je dirais que dans ses derniers travaux, c'est beaucoup, je dirais que ça tourne un peu autour d'une certaine spiritualité. Je dirais que dans l'exposition Raccord, on parle beaucoup de... On est vraiment dans l'humain. On a vraiment l'impression de vivre, d'être face à certaines étapes du cycle de la vie. Oui, c'est ça. Peut-être pour illustrer un peu l'exposition, on arrive, puis l'exposition est construite de manière circulaire. D'où l'idée aussi peut-être d'un certain raccord aussi. Puis on débute l'exposition avec un tableau qui est une représentation d'un fœtus, puis qui termine par... plus dans une optique de la mort ou du corps ou du après, on tombe dans une forme géométrique qui est... Une espèce entre cristal et obélisque, peut-être. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Il y a comme une forme, puis justement, c'est une construction. La mise en espace fait en sorte qu'on a une sorte de lecture très circulaire ou chronologique, mm-hmm. d'une certaine manière. Puis... Alors, c'est ça. Puis on a un couple, on a un personnage seul aussi, agenouillé. Il y a beaucoup de mélancolie aussi dans ces représentations. On a comme ces personnages-là qui ne nous regardent pas, qui regardent au sol, qui... Une certaine prise de conscience, une réflexion personnelle, je dirais. Mm-hmm. Mais qui se retrouve aussi dans son travail, parce que c'est ça, c'est... Nouma travaille à la main, c'est des tableaux qui lui prennent... je dirais que l'exposition regroupe 8 tableaux seulement, mais c'est des tableaux qui ont été faits sur une période de 8 ans, donc il y a à peu près un tableau par année. C'est un processus qui est très lent parce qu'il ne travaille pas... il n'y a pas d'utilisation de nouveaux médias ou de quoi que ce soit. Oui, parce que bon, souvent, les artistes peintres qui font dans l'hyperréalisme de nos jours, ils vont utiliser un projecteur, tout simplement. Oui, là, oui, c'est ça. Oui. Alors que lui, il n'utilise pas de projecteur. Non, c'est ça. C'est très réaliste. C'est un travail qui demande beaucoup de réflexion. Il sait que son temps de production est très lent, très long. C'est un mm-hmm. long processus. Donc, il y a beaucoup aussi de travail en amont qui se fait. Il y a beaucoup de croquis préparatoires. Puis, c'est pour ça aussi, je pense que le sujet est plus... non pas sérieux, mais on traite beaucoup de l'humain. Il y a une réflexion. Dans le processus, il y a peut-être une introspection. Par rapport à ça, c'est très méditatif comme processus de travail. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un certain... comment je pourrais dire? Entre le sujet qui est représenté puis le processus ou la réflexion autour de ça... Il y a comme une adéquation. Oui, c'est ça, effectivement. Comme une espèce de cohérence. Mais évidemment, on parle de chaque œuvre qui prennent plus ou moins une année à réaliser. Donc, tu parles de méditatif, je parlais de travail de moine tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose d'une espèce d'expérience spirituelle, à la limite, dans ce que l'artiste fait, mais aussi qui est quasiment transmise dans notre expérience esthétique de l'œuvre. Oui, puis tu parlais de contemplatif aussi au début, puis c'est vraiment ça. On est dans un rapport où c'est très détaillé comme œuvre à cause du jeu, à cause de la peinture, de l'effet optique, mm-hmm. la trame. On observe un peu c'est quoi le tableau, comment il est constitué, mais aussi le sujet porte à beaucoup de réflexions aussi sur... vu que ça traite aussi de l'humain, c'est des choses qui nous ont... C'est un sujet qui nous est très proche. Puis ça nous amène vraiment... C'est ça, une longue réflexion qui... C'est ça, C'est de l'ordre du métaphysique, là. Oui. On dirait quasiment que l'artiste cherche à toucher l'essence de l'être humain d'une certaine manière. Oui, c'est plus, je dirais peut-être une réflexion personnelle pour mm-hmm. lui, peut-être une certaine proposition ou mm-hmm. dans ses propres réflexions. Mais c'est vraiment construit aussi, c'est ça, c'est très linéaire. On entre au début où il y a la représentation de l'enfance, il y a le couple, ça va en progressant, puis vers jusqu'à la mort. Puis, et à l'après-vie. Et à l'après-vie, justement, avec le dernier tableau qui s'appelle « Corps sombre », qui est en fait un losange dans lequel aussi il y a un effet optique où on peut y voir un corps. Mm-hmm. Et cette idée-là aussi de l'après... qui presque je sais pas comment on pourrait le dire, mais l'idée de géométrie aussi, il y a comme une certaine abstraction d'une mm-hmm. certaine manière. Si on parle du après, mais on parle de géométrie tri qui est assez concret comme oui, comme ben, principe, c'est mathématique. Oui, oui, une espèce de recoupement aussi qui vient comme entre la science, la philosophie, la spiritualité, comme ça vient tout s'imbriquer, ces réflexions-là, parce que de penser à l'après-vie comme une forme géométrique, il y a quelque chose de très scientifique dans tout ça, au final. Ouais. Puis là, on parle, Jean-Michel, René, on parle de ce travail de Numa Hamoun, mais là, on n'a pas parlé de l'éléphant blanc dans la pièce. On parle de tableaux, mais des tableaux, on les voit pas, les tableaux, parce que les œuvres sont entièrement intégrées à même les murs du musée. Oui, là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce procédé-là qui nous mystifie complètement. Non, c'est vraiment les tableaux sont c'est d'une précision la manière que c'est intégré dans le mur, puis c'est vraiment dit, c'est une toile qui est encastrée dans le mur, mais il y a une certaine il y a une chose qui je trouvais intéressante dans ce processus de présentation, c'est que l'œuvre est d'une certaine manière un peu altérée à chaque fois qu'elle est présentée. Donc, il y a comme une certaine, je dirais peut-être une limite même de la présentation qui est abordée d'une certaine chose. Fait que même dans la présentation, il y a une obsolescence. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis, une dégradation. Comme si le temps était compté aussi de cette chose-là. C'est comme un memento mori dans la façon d'installer l'œuvre. Oui. Oui. C'est ça. Ça donne un effet visuel. Puis l'effet visuel est très présent, là, ça fait vraiment un bel ensemble, ça fait un tout. Il n'y a pas de... À cause que justement, on a une sorte d'absence de cadre, on est dans une pièce avec ces objets, ces représentations de corps qui évoluent, puis ça crée vraiment un dialogue assez complet, je dirais, C'est vraiment une œuvre qui est riche, puis c'est vraiment une œuvre qui il faut en faire l'expérience pour le comprendre, parce que là on essaie de l'expliquer au micro, puis c'est très dense comme exposition, malgré le fait qu'il y ait très peu de tableaux aussi, c'est quand même assez ironique, mais mm-hmm. c'est très très dense, très bien réfléchi. Je pense que c'est à voir. C'est vraiment à voir. Donc, c'est présenté au Musée national des beaux-arts du Québec, au pavillon Gérard Morissette, jusqu'au 16 février 2020. Merci beaucoup, Jean-Michel René, d'être venu nous parler de Raccord de Numa Hamoun. 89.1. CKRL. Québec. Québec en toutes lettres, pour la suite du monde. Mathieu Simoneau. Dans ton halo, je distingue un avenir sans oiseaux. Un silence inquiétant répond en moi ses lichens, ses fougères coupantes. Que ferons-nous de tout ce vide? Aurons-nous la mémoire qu'il faut pour souffrir ce monde sans écho, pour nos bêtes intérieures, pour nos bêtes intérieures. Salut tout le monde, ici Antoine Bugeaud, candidat du Parti libéral du Canada dans Beauport-Limoilou. Au cours des 4 dernières années, le Parti libéral a permis aux Canadiens et Canadiennes de créer 900 000 nouveaux emplois, en plus d'aider près de 300 000 enfants à sortir de la pauvreté grâce à l'allocation canadienne aux enfants. Le 21 octobre prochain, nous devons élire un gouvernement rassembleur qui continuera d'investir dans l'avenir. Ensemble, dans Beauport-Limoilou, choisissons d'avancer avec Antoine Bugeaud et le Parti libéral du Canada. Ce message est autorisé par l'agent officiel d'Antoine Bugeaud. Le 21 octobre, à compter de 20h, une émission spéciale sur les élections fédérales. Jean-François Arthaud, Luc Ferland, Marie-Soleil Brault, on sera avec vous à compter de 19h30 pour suivre le déroulement des élections fédérales, bien sûr. À travers tout le pays, mais de façon particulière pour la province de Québec et pour la région de Québec, on aura des gens avec qui discuter. Sur le terrain, d'anciens conseillers politiques, d'anciens députés. C'est un plaisir de vous y retrouver le 21 octobre à compter de 20h. Bonjour les mamours. N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Ma mamour. Je m'occupe de tout. Mise à jour du système communicationnel. Transition effectuée. Wow. présentation de Kill ta peur et de Premier acte en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec. Du 22 octobre au 2 novembre, au théâtre Premier acte, premieracte.ca. Québec en toutes lettres, pour la suite du monde. Anne-Marie Olivier. Rire, quand dans l'espace d'un moment éclatant, le rire dépasse tout. Toutes nos frustrations, notre mélancolie, nos chances perdues, les amitiés évanouies, les amours catastrophes, les trahisons, les cruelles injustices. Vrai, franc et spontané, un éclat de rire retentissant ouvre la tête et le cœur. Geneviève Roy, bonsoir. Bonsoir. Geneviève Roy, tu es directrice administrative au lieu. Oui. Et vous avez reçu, vous présentez actuellement une exposition d'Orlan. Oui. Orlan, une artiste française de renommée internationale. C'est une sommité en art corporel, si on peut dire. Toi, en tant que directrice administrative, qu'est-ce que ça représente faire venir Orlan? Bien, en fait, c'était une demande, à cause que je savais que c'était une amie à Richard Martel, le directeur artistique du lieu Centre d'art actuel. Mm-hmm. Donc, puis moi, je l'avais étudié quand j'étais jeune, puis comme je savais qu'il était venu, puis j'étais comme, ah, pourquoi pas la faire revenir? Mais tu sais, comme dans l'équipe, c'était mitigé, tu sais, comme il y en a qu'un, ah, mais c'est une star, tu sais, on veut vraiment ça et tout. Oui, parce que le centre d'artiste, ça reste un lieu d'expérimentation. Est-ce qu'on veut que ça soit un lieu qui présente des stars? Ou tu sais, il y a ces questionnements-là aussi qui viennent avec tout ça. Oui, c'est ça. Mais il y a comme quand, tu sais, même si c'est des stars, ils ont quand même un background. Ouais. C'est comme une historique ou qui ont comme traversé des étapes pour se faire connaître puis devenir une star. Donc, mm-hmm. ils ont comme des acquis puis ils ont quand même fait leur preuve à quelque part. Ouais, ouais. Puis vu que c'était proche, ben, elle a quand même fait des choses drastiques avec son corps et tout. Donc, il y a comme quelque chose de... Oui, c'est une précurseur là, quand même dans le domaine. Oui, vraiment. Puis elle a quand même été rebelle à certains moments. Puis je pense que le lieu s'associe à l'esprit plus rebelle aussi de essayer de sortir du cadre, comme Orlan le présente si bien. Dans Donc, à l'origine, d'où est venue l'idée de faire venir Orlan? Ben c'est ça. Moi, je savais, depuis 3 ans que je suis à l'administration, que c'était son ami. Et j'ai dit, il faut la faire venir. Puis Richard dit, ouais. Mais là, il y a eu la mesure première ovation, classe de maître, qui était comme un argument un peu plus convaincant pour essayer de chercher un montant supplémentaire. Parce que, comme j'ai dit dans l'équipe... l'année passée, c'était comme mitigé. Puis, tu sais, nous, on est toujours en principe de validation des idées. Oui. Donc, là, en argumentant, oui, mais première ovation ouvre une subvention pour donner des classes de maître pour les gens de la ville de Québec, 18-35 ans, tout ça, donner ça gratuitement. Donc, là, ça a comme venu faire un argument. J'ai fait la demande. On l'a reçu. Même une première ovation était très, très. Content de pouvoir... Mais c'est sûr que quand on parle de classe de maître, quand on va chercher quelqu'un avec une telle expérience, avec une telle renommée, il y a quelque chose de très vendeur là, dans ces demandes-là. Oui, c'est sûr aussi, parce que tu sais, comme d'avoir une star, c'est comme, mais ça coûte combien? Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'elle demande un peu plus, mais on a eu comme sa première ovation. Déjà nos cachets, on a argumenté, on a fait un deal avec elle, veut pas, en oui. disant... C'est sûr qu'elle a essayé, oh, je veux une publication, je veux comme oui. plus. Mais c'est une amie de Richard Martel, ouais. C'est pas la première fois qu'elle vient au lieu, elle est venue à quelques reprises là, auparavant. Oui, c'est ça, mais à l'époque, c'était aussi à cause de l'amitié avec Richard. Oui. Donc, la faire venir aussi un peu en fin de carrière, comme on peut dire, mm-hmm. avec aussi plus... Oui, parce qu'elle est rendue à 72 ans quand ouais, même, là. C'est ça. Mais, tu sais, comme juste en exposant au lieu, elle avait encore 3-4 expos à travers les villes d'Europe. À présent, tu sais, comme elle a une grosse équipe d'assistants qui, comme des étudiants d'une école de beaux-arts. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, il y a une grosse équipe qui travaille derrière elle. Elle a fait beaucoup d'œuvres, elle est très comme généreuse par contre. C'est une artiste productive, qui a des idées, oui. Fait travailler les gens. Oui. Donc c'est ça. Donc généreuse et exigeante. Ouais, mais ouais, et critique et franche et avec du caractère. Est-ce que ça a été difficile de travailler avec elle dans un contexte où tu as une personne qui est très exigeante, qui est très critique, qui est très directe? Oui, c'est ça. Puis il y a comme tout le travail avec les assistants aussi, les courriels, rassurer la demande de l'exigence aussi, mm-hmm. est comme un petit peu plus accrue. Mais quand on la reçoit, on comprend que c'est... elle a besoin beaucoup d'être rassurée, je veux pas. T'sais, même si ça reste des grands artistes, on dirait que ça reste tout le temps très sensible. Mm-hmm, mm-hmm. Puis, donc, je pense que ça la rassurait aussi d'avoir ces communications-là. Elle communique que en lettres majuscules aussi. Oui, enfin, comme son prénom, Orlan, pour sortir du cadre, hein, c'est ouais, ça qu'elle dit? Ben, oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est sûr que, ben, tu sais, moi, je le prends pas mal, mais tu sais, on dit que ça, c'est comme crier, mais... Faut pas le prendre comme ça. C'est juste Orlan. Oui, ah oui. Donc, mais c'est aussi une vieille école. C'est, on a appris beaucoup d'être avec quelqu'un qui a beaucoup évolué dans le système européen. Mm-hmm. Puis il y a plus d'hiérarchie aussi en Europe. Donc, oui. Puis au plus, c'est sortir du cadre, oui, mais il y a aussi l'apparence, là, comme d'aller au consulat. Il y a des protocoles, il ouais. y a des. Qu'on est moins habitué avec le lieu, disons. Oui. Le lieu, c'est un peu plus comme terre à terre. Oui. Un peu plus anarchique, mettons. Ouais, quoi qu'on fait beaucoup, beaucoup d'activités, oui. on arrive à... Mais plutôt, pas anarchique, mais plutôt dans la résistance. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme... Ben, juste comme... Tu sais, comme moi, j'ai vécu un moment épique avec Orlan et Richard. Orlan qui demande à Richard de... Là, faut que tu t'habilles bien, on va au consulat. Oh mon Dieu! Donc, c'était très épique. Donc, Orlan qui demande à Richard Martel de bien s'habiller. Oui. Ça a fonctionné? Oui, mais c'était épique. C'est la seule personne qui peut demander à Richard Martel de bien s'habiller? Oui. Oui. Il y avait le consulat, mais il y avait également une conférence à la Société d'art technologique à Montréal le 2 octobre. Ouais. Elle a fait plusieurs visites et rencontres dans différentes institutions des arts visuels au Québec, des musées, tout et tout. Est-ce que c'était le lieu qui était en charge de son agenda? Comment ça fonctionnait, ces partenariats-là? C'est sûr qu'elle nous avait demandé de contacter des collectionneurs, des galeristes et mm-hmm. tout, mais tu sais, nous, c'est moins notre réseau. Ouais. On ne travaille pas contre l'institution, mais on est plus une option parallèle. Oui. Donc, c'est pas notre travail, mais on l'a orienté, mais elle fait très bien son travail aussi de réseau. Oui. Donc, au SAT, c'était aussi un contact avec Richard, qu'on disait qu'on fait venir Orlan. Donc, ça c'est. Donc, ils ont un peu travaillé comme indépendamment, okay. la SAT. Nous, on a demandé de pouvoir faire le lancement d'Inter. Mm-hmm. Donc, ça, c'est comme. C'est pas au même niveau. Il y a eu aussi comme le consulat qui est arrivé un petit peu plus tard, grâce aussi à un contact du SAT. Donc, ça nous a aidé à payer le billet première classe pour Orlan. Donc, Et donc, Orlan est venu ici pour présenter une classe de maître. Oui, un workshop. Ça commençait à 13h, ça finissait à 8h. Elle a comme vraiment éprouvé les étudiants qui étaient présents. Comment ils en sont sortis, les apprentis de cet atelier-là? Au début, ils étaient très impressionnés. Après, le caractère imposant de Orlan, je pense, en a comme un peu bousculé certains. Après, je pense qu'ils ont vu que il faut plus prendre ça en riant que d'autres choses. Parce que même si c'est c'est une démarche qui est très dans la manifestation, il y a pas un peu d'humour dans le travail d'Orlan quelque part. Oui, mais c'est comme une pince sans rire. Mm-hmm. Oui, c'est pas elle qui va rire. Ben, je pense qu'elle rit à l'intérieur. Mm-hmm. Parce que c'est un personnage, il y a quelque chose il y a quelque chose qui touche à l'absurde, au grossier dans ce qu'elle construit comme personnage. Ouais, c'est drôle, mais elle se prend au sérieux, tu sais, c'est comme en tout cas c'est vraiment un personnage contrastant, un peu comme ses cheveux noirs et blancs. Oui, tu sais, il y a des contrastes. Donc elle est dans la représentation en permanence là. Ouais, dans son personnage. La performance, elle est au quotidien. Ouais. Et donc on a eu deux performances, en fait, une performance avec l'atelier qui s'est passé dans le Vieux-Québec, puis une performance le soir du vernissage. Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme son projet qu'elle a fait un peu partout en Europe aussi, sa pétition contre la mort, avec le discours qui est associé à ça. La performance du samedi était comme plus une pratique où tu sais, comme comment s'organiser à marcher ensemble, à se tenir, les regards qu'on doit comme avoir ensemble, tu sais, comme ou même comment s'habiller pour rester un peu neutre, la distance entre chacun, où aller, tu sais, comme. Donc c'était une générale. Oui, mais qu'on n'avait pas prévenu. Les forces de l'ordre. Donc, il y a une intervention policière. Oui, parce que quelqu'un s'est plaint. Parce que là, on est comme dans le débat pro-vie. Mais c'est sûr qu'avec les. Oui, c'est ça. Avec les élections en ce moment. Et puis, Andrew Scheer qui est pro-vie, mais qui dit qu'il ne va pas l'appliquer s'il entre en mandat. C'est sûr que c'est des débats qui sont actuels en ce moment. Comment est-ce que on n'a pas encore parlé à fond du projet. Le projet qui est présenté, le projet principal, c'est pétition contre la mort. Justement, ça vient un peu se superposer avec ces débats sur l'avortement. Là. Ouais. Comment ça a été géré, ça, pour que ça soit éclairci un peu? T'sais, nous, le lieu et l'actualité du Canada et ces débats de pro-vie contre l'avortement, t'sais, nous, on est complètement... T'sais, on est pro-choix. Là. Oui, mais oui. Puis, c'est comme... Donc, puis je pense aussi qu'il y avait une méconnaissance de Orlan du débat actuel. Oui. Puis nous, déjà, on a beaucoup à gérer. On a une petite équipe parce qu'on va comme... OK, il y avait une manifestation pro-vie à Montréal. Ça aurait pu être associé à ça. Bon, peut-être. Mm-hmm. Mais lis bien la pétition contre la mort. Oui, oui, c'est ça. Faut pas rester en surface. C'est comme les gens, je pense qu'ils ont beaucoup trop d'informations à l'heure actuelle. Je crois pas qu'il est au complet. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de monde. Dans la réaction, dans l'opinion, plutôt c'est que dans vraiment s'informer en profondeur. Ouais. Et donc, si on revient à ce projet, la pétition contre la mort, Geneviève Roy, tu disais que ça a tourné déjà en Europe. C'est un projet qui dure depuis quelques années, je crois. Oui. Donc, c'est environ 2015, à plusieurs endroits. Donc, c'est une pétition qui s'inscrit dans cette espèce de grand projet transhumaniste qui est sous-jacent à la démarche d'Orlan. Ouais. Donc, une espèce d'approche où on veut que toutes les techniques possible pour améliorer l'être humain et prolonger son existence soit mise en place. Là. Mais c'est une peur à la mort. C'est une peur aussi à la fin. Donc, je crois que ça répond encore à toute sa corporalité. C'est comme quelque part, je crois qu'elle sent la fin à l'intérieur d'elle. Il y a aussi comme... Mais c'est sûr que on comprend peut-être pas c'est quoi se rendre à une fin de carrière, avoir 72 ans, être une femme et tout, avoir comme son corps qui change et tout. Donc, surtout qu'elle l'a modifié souvent. Elle a utilisé beaucoup son image aussi. Donc, je pense que son projet est relié avec des sentiments profonds qu'elle a. Oui, probablement. Donc, on a dans l'exposition qui est présentée au lieu, il y a deux vidéos. Trois vidéos. Il y a trois vidéos. Il y en a une qui s'intitule « J'ai faim, j'ai soif, ça pourrait être pire ». Une qui s'appelle « No baby, no, où sont les écolos ?» Donc, qui encourage les gens à pas faire d'enfants, là. Ouais. En fait, c'est comme... C'est plus pas... C'est pas l'idée de pas encourager, mais de pas imposer. De pas imposer. C'est donc ça, c'est vraiment... C'est pas comme de pas en faire. D'en faire ou pas en faire, je pense pas que c'est ça qui va régler. Mais en fait, c'est ça, ça reste de l'heure actuelle, c'est là pour amener à réfléchir et non pas pour imposer des idées. C'est ça. Fait la même chose, c'est comme je pense qu'aussi, elle vient d'une époque où la femme, elle avait plus de pression qu'aujourd'hui, donc c'est sûr qu'elle vient d'une autre époque, donc pour elle, c'est encore en elle de ce vécu-là qu'on a peut-être nous moins. Puis Puis les enjeux de l'environnement, je pense qu'elle les a aussi moins vécus. Donc, son discours est plus comme d'arrêter d'imposer à la femme. Elle se dit féministe. Oui. C'est un genre de féministe. Oui, des féminismes, il y en a plein. C'est ça. Des féministes, il y en a plein. Il y a presque autant de féminisme que de féministes. Mais c'est vraiment une approche qui est très, très particulière, mais aussi qui est très ancrée dans le présent, dans le futur. Donc, dans une des vidéos, dans l'exposition, on voit aussi un robot à son effigie qu'elle a fait construire. Donc, il y a cette volonté de se prolonger dans la machine, dans cette grande idée du transhumanisme. Ouais. Donc, c'est vraiment de prolonger l'être humain le plus longtemps possible. Oui, c'est sûr que l'art, c'est comme c'est des recherches, des reflets de pensée, de philosophie. Mm-hmm. Donc, oui, elle fait de l'imagerie avec ces idées-là. Donc, ouais. Grâce à sa réputation, sa stature, elle peut aller se faire un robot à son effigie. Quand même, c'est pas toutes les artistes qui peuvent se permettre ça. En tout cas, c'est vraiment une exposition à voir, à vivre. Il y a également une capsule d'une entrevue qu'il a fait, qui a été diffusée aujourd'hui, qui est très intéressante pour en savoir un peu plus sur sa pratique. Mm. Mais je te remercie beaucoup, Geneviève Roy, d'être venue nous parler de comment on fait venir Orlan. Oui, ben c'était un très grand apprentissage de créer l'événement. Ouais. De créer justement, comme, je sais pas là, l'importance autour d'une œuvre et tout. Donc, moi, c'est sûr que j'en tire des leçons d'une différence, un, culturelle. Oui. Deux, de. En tout cas, c'est différents systèmes. C'est ça. C'est sûr que. Mais ben, c'est bien. On en ressort grandi. Ouais, vraiment. Puis, vive les grands personnage, le caractère et dire ce qu'on pense. Oui, toujours. Ben oui, la franchise. Puis un peu faire comme si je choque, eh ben quoi. Oui, c'est choc. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Donc il y a des beaux apprentissages qui. Je pense une leçon à la liberté puis à la liberté d'être dans ses qualités, ses défauts. Ah, ben merci pour cette belle conclusion d'entrevue, Geneviève Roy. Et nous, on part en pause musicale. C'était encore un extrait du groupe britannique Zone Waves. Et c'est avec l'agenda de la semaine qu'on poursuit cette émission de l'aérospatiale. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans l'univers des arts visuels à Québec? D'abord ce soir, dépêchez-vous, à partir de 19h30, c'est au Musée national des beaux-arts de Québec que ça se passe, avec la table ronde « Quand le musée invite à jouer ». Donc évidemment, c'est à l'occasion de l'exposition COSIC « À vous de jouer » que le musée organise cette table ronde qui est animée par Anne-Sophie Blanchette, qu'on a déjà reçue ici à l'émission, et qui invite les panélistes Christine Bernier, Maxime Coulombe et Bernard Lamarche à partager des réflexions et des anecdotes sur les enjeux de la conservation et des expositions évolutives et participatives dans le milieu muséal au Québec. Donc, ça risque d'être fort intéressant. C'est à partir de 19h30. Et vendredi, le 18 octobre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se passent dans le monde des arts visuel à Québec, donc ça bouge beaucoup. Du côté de Critérium, il va y avoir le vernissage de l'exposition Some Paintings d'Olivier Hébert, qu'on a reçu au printemps dernier, donc qui termine sa maîtrise. Donc une proposition très intrigante. C'est à partir de 17h sur la rue du Pont à Critérium. Également à la Galerie 3, c'est le vernissage de l'incomparable Paryse Martin. Paryse Martin qui enseigne ici depuis plusieurs années à l'École des arts visuels et qui développe cette pratique baroque fascinante, tout en sensibilité. C'est l'exposition Limbe et renversement qu'elle présente à la Galerie 3. Et le vernissage débute à 17h30, vendredi toujours. Et ensuite, c'est à Méduse que la soirée se poursuit avec l'événement « Mieux vaut tard que jamais ». Donc, c'est sous la thématique de la projection que plusieurs organismes de Méduse se sont rassemblés pour préparer une soirée un peu comme une rentrée culturelle tardive, mais très, très festive. Il faut dire que le bâtiment de Méduse là, va bientôt tomber en rénovation. Et bon, les délais ont amené les centres d'artistes à présenter cet événement. Haut en couleur. Donc, de 18h à 21h, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, il y a Antitube, la bande vidéo et Spira qui présentent ensemble Sombre et le jour. C'est un programme de court-métrage qui va être diffusé en boucle toute la soirée du côté d'Antitube. Ensuite, à l'œil de poisson, il va y avoir l'installation de projection vidéo Olfiction de l'artiste Caroline Belzile-Normand. Et il y a Manif d'art qui présente dans la petite galerie de l'œil de poisson L'enlèvement, qui est une œuvre participative. Engram continue sa présentation de Survoler, 2771 kilomètres de Yana Pichon dans sa galerie. C'est visible de l'extérieur. Et du côté de La Nuit des Sans-Abri, une collaboration avec Pêche Sherpa à la place de l'Université du Québec. Recto Verso présente Mouvement de veille. C'est une installation en continu de l'artiste Pierre-Olivier Fréchette-Martin au studio d'essai de Méduse. Et du côté de Vue, ça va être une installation de Clint Hens qui est actuellement en résidence au centre. Et c'est une installation qui s'intitule Internet vernaculaire. De 18h à 19h30, il va y avoir le long métrage des Histoires inventées, qui est un documentaire de Jean-Marc E. Roy, qui va être présenté par Spira dans l'espace européen de Vue. À partir de 19h30, il va y avoir deux performances dans l'espace américain de Vue en collaboration avec la bande vidéo. Il y a une performance de Clint Hens et une autre performance de Marc-Antoine K. Faneuf. À 21h, Recto Verso va présenter Les murs du ciel. C'est une performance du collectif BLUSH. Ça va être à la salle multi. Le collectif BLUSH est composé de Isabelle Lapierre, Marie-Hélène Blais, Annie Baillargeon, et ils vont collaborer cette fois-ci avec Carl Desjardins, Ariel Varnke, Saint-Pierre. Il y a une entrée payante pour cette présentation à partir de 21h à la salle multi. C'est 5$ à la porte. Et la soirée va se terminer à l'œil de poisson avec des DJ, la fête, la musique. Et il y a également d'autres choses qui se passent vendredi soir du côté du Grand Théâtre de Québec. Il y a Herman Colgan qui a un vernissage à partir de 19h et une performance audiovisuelle à partir de 20h, donc avec le quatuor Créma. Et samedi le 19 octobre, vous pourrez aller rencontrer l'artiste à partir de 13h30, toujours au Grand Théâtre, dans le cadre de son installation. C'est également le vernissage de l'exposition Lumière et multiples transparences le dimanche 20 octobre. De 13h à 17h. C'est une exposition de Tania Girard Savoie et c'est à la galerie Michel Guimond. Et mercredi prochain, c'est une discussion avec Patrick Bernatchez qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Ça s'intitule Éblouissante noirceur et c'est à partir de 19h. C'est également la dernière semaine pour voir l'exposition Empreintes et dérivés à la Galerie A de Geneviève Cadieux que nous avons eu l'occasion de recevoir ici à l'émission. Un autre artiste que nous avons reçu, Olivier Moisan Dufour, son exposition Idées d'objets présentée à la Galerie des arts visuels jusqu'au 20 octobre. Et c'est également la dernière semaine pour passer à la Maison Tessier dit la Plante pour voir l'exposition Dans les parages de Catherine Doyon d'Ostie. C'est jusqu'au 22 octobre. Mais je vais terminer cette émission en remerciant nos invités, Vincent Galarneau et Geneviève Roy. Merci à Jean-Michel René pour la très belle chronique et un merci tout particulier à Michel Gauthier qui assure la mise en onde de cette émission qui était enregistrée la veille. Alors un très très grand merci à Michel Gauthier de t'impliquer ponctuellement à l'aérospatiale. Un grand merci pour ta présence. Restez sur les ondes de CKRL 89.1 parce que de l'autre côté de la prochaine minute, c'est Pierre Blais et son équipe qui vous parlent cinéma à l'émission Situation critique. Cette émission est disponible en balado-diffusion. C-K-R-L. Je suis une voix. Je suis un message. Communication et culture. La tragédie n'a pas toujours besoin de se représenter, mais le pouvoir en a besoin. Même le pouvoir démocratique. C'est pourquoi on invente le G8. La fête des puissants, où les huit qui s'auto-qualifient de grands font étalage de leur puissance et de leur plaisir d'être ensemble. En juillet 2001, ce sommet a lieu à Gênes, en Italie. Lors de ces quatre journées, la répression sur les manifestants altermondialistes culminera avec l'assassinat d'un jeune homme de 23 ans par les forces de l'ordre. Peanuts et Gênes 01 racontent ces événements. Le Conservatoire d'art dramatique de Québec présente, du 15 au 20 octobre, Peanuts et Gênes 01, de Fausto Paravidino, dans une mise en scène d'Olivier Lépine. Réservation au 418-643-9833. En octobre, le cinéma Le Clap Sainte-Foy et Loretteville présente Joker dès le 4 octobre, Mathias et Maxime dès le 9, La famille Adams dès le 11, Zombieland 2 dès le 18 octobre et Les fleurs oubliées dès le 25. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.